Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité. La Trinité au ciel, livre 15e. Chapitre 12, philosophie de l'Académie. Tout d'abord cette science, dont notre pensée se forme d'après la vérité, quand nous exprimons ce que nous savons, quelle est-elle et dans quelle mesure peut-elle provenir à l'homme le plus habile et le plus savant que nous puissions supposer? Si nous acceptons ce qui arrive à l'âme par les sens du corps, ces choses qui sont si souvent autrement qu'elles ne paraissent, toutes ces vraisemblances dont l'encombrement est parfois tel que l'insensé se croit saint d'esprit, ce qui a donné tant de vogue à la philosophie de l'Académie qui s'est mise à douter de tout, folie cent fois plus misérable encore, excepté, dis-je, ce qui vient à l'âme par les sens du corps, que nous reste-t-il en fait de connaissance, dont nous soyons aussi assurés que de notre existence? Ici, du moins, nous ne craignons pas d'être trompés par la vraisemblance, puisque nous savons avec certitude qu'on peut se tromper et vivre, et il ne s'agit pas d'un de ces objets visibles, placés hors de nous, où il arrive au regard de se tromper, comme quand la rame, vue à travers l'eau, lui semble brisée, ou quand on est sur un vaisseau et qu'on croit voir des tours remuer, ou dans mille autres circonstances de ce genre où les choses sont autrement qu'elles ne paraissent, car ici ce n'est pas l'œil du corps qui voit. Nous savons d'une science intime que nous vivons. Un académicien ne peut pas même dire, peut-être dors-tu sans le savoir, et ne vois-tu qu'un rêve. Sans doute les rêves de l'homme endormi ressemblent fort à ce que voit l'homme éveillé, qui ne le sait. Mais l'homme qui a la certitude de vivre, ne dit pas, je sais que je suis éveillé, il dit, je sais que je vis, et il vit, endormi ou éveillé. Et là-dessus il ne peut pas être trompé par des songes, car pour dormir et voir en songe, il faut vivre. Un académicien ne peut non plus lui objecter, tu es peut-être fou sans le savoir. Les hallucinations des fous ressemblent fort aux idées des hommes saints d'esprit. Car, pour être fou, il faut vivre. Et cet homme ne répond pas aux académiciens. Je sais que je ne suis pas fou, mais bien, je sais que je vis. Ainsi donc on ne se trompe jamais et l'on ne ment jamais à dire, je sais que je vis. Qu'on oppose donc à cette affirmation mille exemples de déception dans les yeux, l'homme qui dit « je sais que je vis » n'a pas à s'en émouvoir, parce que pour se tromper il faut vivre. Mais si la science humaine se borne à de telles certitudes, elle est bien petite, à moins que ces certitudes ne soient si multipliées dans chaque ordre de choses, qu'elle cesse d'être en petite quantité et qu'elle tende même à un nombre indéfini. En effet, l'homme qui dit « je sais que je vis » n'affirme qu'une chose, mais s'il dit « je sais que je vis », il en affirme déjà deux, et à ces deux choses s'en joint une troisième, la connaissance qu'il en a, il pourra y en ajouter une quatrième, une cinquième et ainsi de suite indéfiniment, s'il suffit à la tâche. Mais comme il ne peut ni embrasser une quantité innombrable par des additions de détails, ni parler indéfiniment, il y a une chose qu'il comprend et exprime en toute certitude, c'est que cela est vrai et que le nombre est tellement au-dessus du calcul qu'il lui est impossible de comprendre et d'exprimer un nombre infini. On peut en dire autant des certitudes de la volonté. Qui peut en effet, sans effronterie, dire « tu te trompes » à l'homme qui dit « je désire être heureux ». Et s'il dit « je sais que je le veux, et je sais que je le sais », déjà deux choses, il en ajoute une troisième, la connaissance qu'il a de ces deux choses, puis une quatrième, qu'il sait ces deux choses, et ainsi de suite. indéfiniment. Également si quelqu'un dit, je ne veux pas me tromper, soit qu'il se trompe, soit qu'il ne se trompe pas, ne sera-t-il pas toujours vrai qu'il ne veut pas se tromper? Et qui portera l'insolence jusqu'à lui dire, peut-être en cela te trompes-tu, puisque, quelle que puisse être son erreur, il ne se trompe pas dans la volonté de ne pas se tromper. Et s'il dit qu'il sait cela, il peut y ajouter une quantité quelconque de choses à lui connues, et bientôt il s'apercevra que le nombre en est indéfini. En effet, celui qui dit, je ne veux pas me tromper et je sais que je ne le veux pas, et je sais que je sais cela, indique par le fait un nombre indéfini, quoique difficile à exprimer. On pourrait encore opposer d'autres exemples aux académiciens qui affirment que l'homme ne peut rien savoir. Mais nous devons nous borner, surtout parce que ce n'est point là le sujet de cet ouvrage. Dans le premier moment de notre conversion, nous avons écrit trois livres contre les académiciens. Celui qui pourra et voudra les lire et les bien comprendre, ne se laissera certainement point ébranler par les nombreux arguments que l'on a imaginés pour contester la possibilité de percevoir la vérité, voir tome 3. Car comme il y a deux espèces de connaissances, celle des objets que l'âme perçoit par l'entremise des sens, et celle des choses qu'elle perçoit par elle-même, ces philosophes ont débité une foule de niaiseries contre les sens du corps. Mais ils n'ont pu révoquer en doute que l'âme perçoive par elle-même et en toute certitude de certaines vérités, comme celle dont je parlais tout à l'heure, je sais que je vis. Mais à Dieu ne plaise que nous doutions de la vérité des perceptions acquises par les sens, car c'est par eux que nous connaissons l'existence du ciel et de la terre, et tout ce que nous savons des objets qu'ils renferment, dans la mesure où l'a voulu celui qui les a créés et nous a créés nous-mêmes. Loin de nous également la pensée de nier ce que nous avons appris par le témoignage des autres. Autrement nous ignorerions qu'il y a un océan, nous ne connaîtrions pas l'existence de certaines contrées, de certaines villes renommées, nous ne saurions rien des hommes d'autrefois, rien de leurs actions mentionnées par l'histoire. Nous resterions dans l'ignorance des nouvelles qui nous viennent chaque jour de tous côtés, et dont la certitude repose sur des indices concordants et dignes de foi. Enfin, nous ne saurions pas même où nous sommes, ni de qui nous sommes nés, puisque nous avons appris tout cela par le témoignage des autres. Or, si ce serait là le comble de l'absurdité, il faut donc reconnaître que la somme de nos connaissances s'est bien augmentée, non seulement par nos propres sens, mais par ceux des autres. Ainsi ces diverses connaissances que l'âme perçoit ou par elle-même, ou par les sens du corps, ou par le témoignage des autres, elle les renferme dans le trésor de sa mémoire, et c'est de là qu'est engendré le verbe vrai. Quand nous disons ce que nous savons, mais verbe antérieur à tout son, à toute pensée de son. Alors le verbe est parfaitement semblable à l'objet connu, qui engendre même son image, puisque la vision de la pensée naît de la vision de la science. Verbe qui n'appartient à aucune langue, verbe vrai d'une chose vraie, n'ayant rien de lui-même, mais tenant tout de la science dont il naît. Peu importe le moment où celui qui exprime ce qu'il sait, l'a appris, quelquefois il parle aussitôt qu'il sait, l'essentiel est que le verbe soit vrai, c'est-à-dire né de choses connues. Chapitre 13. L'auteur revient sur la différence entre la science et le verbe de notre âme, et la science et le verbe de Dieu. Est-ce donc que Dieu le Père, de qui est né le verbe, Dieu de Dieu, est-ce que Dieu le Père, dans cette sagesse, qui n'est autre que lui-même, aurait acquis certaines connaissances par les sens de son corps, et d'autres par lui-même? Qui osera le dire parmi tous ceux qui savent que Dieu n'est point un animal raisonnable, qu'il est au-dessus de l'âme douée de raison, et qui le conçoivent par la pensée, autant que cela est possible à des êtres qui le placent au-dessus de tous les animaux et de toutes les âmes, bien qu'ils ne le voient encore qu'à travers un miroir en énigme et par conjecture, et non face à face tel qu'il est? Est-ce que tout ce que Dieu le Père connaît, non par son corps, il n'en a point, mais par lui-même, il l'a puisé à une autre source que lui-même? A-t-il eu besoin de messagers, ou de témoins pour le savoir? Non certainement. Sa propre perfection suffit à savoir tout ce qu'il sait. Sans doute il a des messagers, les anges, mais ce n'est pas pour en apprendre des nouvelles qu'il ignore, car il n'est rien qu'il ne sache, l'avantage de ces esprits est de consulter la vérité pour agir, et c'est en ce sens qu'ils sont censés lui annoncer certaines choses, non pour l'instruire, mais pour en recevoir ses instructions par le moyen de son verbe et sans aucun son matériel. Envoyé par lui à ceux qu'il veut, il lui annonce ce qu'il veut, et entend tout de lui par son verbe, c'est-à-dire, il voit dans sa vérité ce qu'il doit faire, ce qu'il faut annoncer, à qui et quand il faut l'annoncer. Et nous-mêmes nous le prions, et pourtant nous ne lui apprenons pas nos besoins. Son verbe nous l'a dit. Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, 8. Et cette connaissance chez lui ne date pas du temps, mais il a su de toute éternité tout ce qui devait arriver dans le temps, et, en particulier, ce que nous lui demanderions et quand nous le demanderions, qui est pourquoi il exaucerait ou n'exaucerait pas. Et toutes ces créatures spirituelles et corporelles, il ne les connaît pas parce qu'elles sont, mais elles sont parce qu'il les connaît. Car il n'ignorait pas ce qu'il devait créer. Il a donc créé parce qu'il connaissait, et non connu parce qu'il avait créé. Il n'a pas connu les choses créées d'autre manière que quand elles étaient à créer. Elles n'ont rien ajouté à sa sagesse, pendant qu'elles recevaient l'existence dans la mesure et dans le moment convenable. Cette sagesse demeurait ce qu'elle était. Voilà pourquoi on lit dans le livre de l'Ecclésiastique, toute chose lui était connue avant qu'elle fût créée, et, ainsi en est-il depuis qu'elles sont créées. Ecclésiaste 23, 29. Ainsi, mais non autrement, elle lui était connue avant qu'elle fût créée, ainsi encore depuis qu'elles sont créées. Notre science est donc bien différente de celle-là. Or la science de Dieu, c'est sa sagesse, et sa sagesse c'est son essence même et sa substance. Dans la merveilleuse simplicité de cette nature, être et être sage ne sont pas choses différentes, mais être et être sage c'est tout un, comme je l'ai dit bien des fois dans les livres précédents. Notre science, au contraire, peut, en beaucoup de choses, se perdre et se recouvrer, parce que être et être savant ou sage ne sont point pour nous la même chose. Vu que nous pouvons être, et ne pas savoir, et ne pas goûter ce que nous avons d'ailleurs appris. Par conséquent, comme notre science diffère de la science de Dieu, ainsi le verbe qui naît de notre science est différent du verbe de Dieu. Né de l'essence du Père, comme si je disais, né de la science du Père, de la sagesse du Père, ou avec plus d'énergie encore, né du Père science, du Père sagesse. Chapitre 14, le Verbe de Dieu est égal en tout au Père de qui il est. Donc le Verbe de Dieu le Père, Fils unique, est semblable et égal au Père en tout, Dieu de Dieu, lumière de lumière, sagesse de sagesse, essence d'essence. Il est absolument ce qu'est le Père, et cependant il n'est pas Père, puisque l'un est Fils et l'autre Père. Par conséquent, il connaît tout ce que le Père connaît, mais il tient du Père la connaissance aussi bien que l'être. Car, en Dieu, connaître et être c'est la même chose. Le Père, comme en s'exprimant lui-même, a engendré le Verbe qui lui est égal en tout, et il ne se serait pas exprimé lui-même entièrement et parfaitement, s'il y avait en son Verbe quelque chose de plus ou de moins qu'en lui. C'est ici qu'on reconnaît au souverain de gré le « oui, oui, non, non ». Matthieu 5, 37. Voilà pourquoi ce Verbe est réellement la vérité, parce que tout ce qui est dans la science qu'il engendre est aussi en lui, et qu'il n'a rien de ce qui n'y est pas. Ce Verbe ne peut absolument rien avoir de faux, parce qu'il est immuablement ce qu'est celui de qui il est. Car, le Fils ne peut rien faire de lui-même, si ce n'est ce qu'il voit que le Père fait. Jean 5, 19. Il ne le peut absolument, et ce n'est point la faiblesse, mais force, la force qui fait que la vérité ne peut être fausse. Dieu le Père connaît donc toutes choses en lui-même, il les connaît dans son Fils, dans lui-même, dans le Fils comme son Verbe, qui comprend tout ce qui est en lui. Le Fils connaît également toutes choses, en lui-même, comme chose née de celle que le Père connaît en lui-même, dans le Père, comme chose d'où sont nées celles que le Fils connaît en lui-même. Le Père et le Fils savent donc réciproquement, mais l'un en engendrant, l'autre en naissant. Et chacun d'eux voit simultanément tout ce qui est dans leur science, dans leur sagesse, dans leur essence, non en particulier ou en détail, comme si leur vue alternait, passait là, revenait ici, se portait d'un côté à un autre, dans l'impuissance de voir ceci en même temps que cela. Mais, comme je l'ai dit, chacun d'eux voit tout, tout à la fois et toujours. Quant à notre Verbe, qui n'a pas de son, qui ne pense point au son, mais seulement à la chose que nous exprimons intérieurement en la voyant, qui, par conséquent, n'appartient à aucune langue, et à quelcombre de ressemblance en énigme avec le Verbe de Dieu qui est Dieu, puisqu'il naît de notre science comme le Verbe est né de la science du Père. Quant à ce Verbe, dis-je, si nous lui trouvons quelque ressemblance avec le Verbe suprême, ne rougissons point de faire voir, autant qu'il nous sera possible, combien il en diffère. Chapitre 15. Combien grande est la différence entre notre Verbe et le Verbe divin? Notre Verbe naît-il de notre science seule? Ne disons-nous pas bien des choses que nous ignorons? Nous les disons même sans hésiter, mais les croyant vraies, et si par hasard elles le sont dans les objets même dont nous parlons, et non dans notre Verbe, puisque le Verbe n'est vrai que tant qu'il est engendré de la chose même que l'on sait. Ainsi donc notre Verbe est faux alors, non parce que nous mentons, mais parce que nous sommes trompés. Quand nous doutons, le Verbe n'est point encore engendré de la chose dont nous doutons, mais du doute même. En effet, bien que nous ne sachions pas si la chose dont nous doutons est vraie, nous savons du moins que nous doutons. Par conséquent, quand nous le disons, c'est un Verbe vrai, puisque nous savons ce que nous disons. Mais ne pouvons-nous pas mentir? Dans ce cas, c'est volontairement et sciemment que nous avons un Verbe faux. Le Verbe vrai c'est que nous mentons, car nous savons que nous mentons. Et quand nous avouons que nous avons menti, nous disons la vérité, car nous disons ce que nous savons, puisque nous savons que nous avons menti. Mais cela est impossible au Verbe qui est Dieu et plus puissant que nous. Car, il ne peut rien faire si ce n'est ce qu'il voit que le Père fait. Il ne parle pas de lui-même, mais tout ce qu'il dit lui vient du Père qui ne parle qu'à lui. Et c'est, chez le Verbe suprême, une grande puissance que de ne pouvoir mentir. Car, là, il ne peut y avoir, oui et non. 2 Corinthiens 1, 18, mais, oui, oui, non, non. Sans doute on ne doit pas dire un mot qui n'est pas vrai. J'en suis tout à fait d'avis. Mais même quand notre verbe est vrai et par conséquent mérite le nom de verbe, si on peut l'appeler vision de vision, ou science de science, peut-on aussi l'appeler essence d'essence, comme on le dit et comme on doit le dire à juste titre du verbe de Dieu? Non certes, puisqu'être et connaître ne sont point pour nous une même chose. Car nous savons bien des choses qui ne vivent en quelque sorte que par la mémoire et qui meurent pour ainsi dire par l'oubli, et bien qu'elles ne soient plus à notre connaissance, nous existons encore, et quand notre science nous a complètement échappé, nous ne cessons pas de vivre pour autant. Quant aux choses que nous savons de manière à ne pouvoir les oublier, parce qu'elles nous sont présentes et qu'elles tiennent à la nature de l'âme, comme par exemple la certitude de notre existence, certitude qui dure autant que l'âme, et par conséquent toujours, puisque l'âme dure toujours quant à ces choses, dis-je, et autres de ce genre, où il faut surtout voir l'image de Dieu, bien qu'elles soient toujours sûres, elles ne sont pas toujours sous le regard de la pensée. Comment donc appeler éternel le verbe qui en est ? Alors que c'est notre pensée qui exprime notre verbe. Question difficile à résoudre. En effet, c'est toujours que l'âme vit, c'est toujours qu'elle sait qu'elle vit. Et cependant ce n'est pas toujours qu'elle pense à sa vie, ce n'est pas toujours qu'elle pense qu'elle sait qu'elle vit. Car, dès qu'elle pensera à telle ou telle autre chose, elle cessera de penser à ceci, sans cependant cesser de le savoir. D'où il résulte que s'il peut y avoir dans l'âme une science sempiternelle, si d'ailleurs l'âme ne peut toujours penser à cette science, et si notre verbe vrai, intérieur, n'est exprimé que par notre pensée, il résulte, dis-je, que Dieu seul peut avoir un verbe qui dure toujours, un verbe qui lui soit coéternel. À moins qu'on ne dise, que la faculté même de penser, puisqu'on a la faculté de penser à ce que l'on sait, même quand on n'y pense pas, est un verbe perpétuel comme la science elle-même. Mais comment existe le verbe qui n'est pas encore formé par le regard de la pensée? Comment sera-t-il semblable à la science dont il naît, s'il n'en a pas la forme? Et si on ne le nomme verbe que parce qu'il peut l'avoir? Ce serait vraiment dire qu'il faut l'appeler verbe, parce qu'il peut être verbe. Et quelle est donc cette chose qui peut être verbe, et mérite, par cela même, d'en prendre le nom? Quelle est, dis-je, cette chose susceptible d'être formée, et non encore formée? Sinon un je ne sais quoi de notre âme que nous portons ça et là par un mouvement rapide, quand nous pensons à tel ou tel objet que nous découvrons ou rencontrons au hasard. Et le verbe devient vrai quand ce mouvement rapide dont je parle, arrive à ce que nous savons, en prend la forme et la parfaite ressemblance, en sorte que la chose est pensée comme elle est connue, c'est-à-dire est exprimée dans le cœur, sans mots. Sans le souvenir d'aucun mot appartenant à une langue quelconque. Que si, pour faire cette concession et ne pas prolonger une discussion de mots, il faut donner le nom de verbe à ce mouvement de notre âme qui peut prendre la forme de notre science, avant même qu'il ne l'ait, et précisément parce qu'il est, pour me servir de cette expression, susceptible de la prendre, qui ne voit combien il diffère de ce verbe de Dieu, qui est tellement dans la forme de Dieu qu'il n'a pas été susceptible d'être formé avant d'être formé, qui ne peut jamais être sans forme, qui est la forme même, forme simple et simplement égale à celui de qui elle est et à qui elle est merveilleusement coéternelle. Chapitre 16, Même quand nous serons semblables à Dieu, notre verbe ne pourra jamais être égalé au verbe divin. Ainsi donc, quand on parle du verbe de Dieu, on ne l'appelle pas la pensée de Dieu, pour ne pas laisser croire qu'il y ait en Dieu quelque chose de mobile, qui tantôt prenne, tantôt reçoive la forme de verbe, qui puisse ensuite la perdre, rester sans forme, et subir en quelque sorte des évolutions. Il connaissait bien la nature de la parole et la puissance de la pensée, le grand poète qui a dit « Il roule dans son esprit les diverses vicissitudes de la guerre » Virgile, Énéide, chapitre 10, 5, c'est-à-dire, il pense. Le Fils de Dieu ne s'appelle donc pas pensée de Dieu, mais verbe de Dieu. Car notre pensée parvenue à ce que nous savons et en prenant sa forme, devient notre verbe vrai. Et on doit entendre le verbe de Dieu sans la pensée de Dieu, pour bien comprendre que c'est une forme simple, qui n'a rien qui soit informé ou qui puisse rester sans forme. On parle, il est vrai, dans les Saintes Écritures, des pensées de Dieu, mais c'est dans le sens où l'on dit aussi oubli de Dieu, expression qui, dans leur signification propre, ne saurait s'appliquer à Dieu. Cette énigme étant donc maintenant si différente de Dieu et du Verbe de Dieu, malgré la faible ressemblance qu'on y découvre, il faut encore reconnaître que, même, quand nous serons semblables à lui, alors que, nous le verrons tel qu'il est, Jean 3, 2, et celui qui l'a dit ne perdait certainement pas de vue la différence, qu'alors même, dis-je, nous ne serons point égaux à lui en nature. Car la nature créée est toujours inférieure à celle qu'il a faite. Sans doute, notre verbe ne sera plus faux, puisque nous ne mentirons plus et ne serons plus trompés. Peut-être encore nos pensées ne seront-elles plus mobiles, passant et repassant d'un objet à un autre. Peut-être embrasserons-nous d'un coup d'œil tous les objets de nos connaissances. Néanmoins, tout cela étant, si cela doit être, la créature qui était susceptible d'être formée aura été formée, pour qu'il ne lui manque rien de la forme à laquelle elle devait parvenir. Mais on ne pourra l'égaler à cette simplicité, où rien de susceptible d'être formé n'a été formé ou réformé, et qui n'étant ni sans forme ni formé, est, là, une substance éternelle et immuable. Markendanarchive.org, d'après Abbaye Saint-Benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.